Deuxième livre des Rois, chapitre 4. Orune, veuve d'un des fils des prophètes, cria à Élisée, en disant, « Ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel, et son créancier est venu pour prendre mes deux enfants, afin qu'ils soient ses esclaves. » Et Élisée lui répondit, « Qu'est-ce que je ferai pour toi? Déclare-moi ce que tu as en la maison. » Et elle dit, « Ta servante n'a rien dans toute la maison qu'un pot d'huile. » Alors il lui dit, « Va, demande des vaisseaux dans la rue à tous tes voisins, des vaisseaux vides, et n'en demande pas même en petit nombre. Puis rentre, et ferme la porte sur toi et sur tes enfants, et verse de ce pot d'huile dans tous ces vaisseaux, faisant ôter ceux qui seront pleins. » Elle se retira donc d'auprès de lui, et ayant fermé la porte sur elle et sur ses enfants, il lui apportait les vaisseaux, et elle versait. Et il arriva qu'aussitôt qu'elle eut rempli les vaisseaux, elle dit à son fils, « Apporte-moi encore un vaisseau, » et il répondit, « Il n'y a plus de vaisseau, » et lui il s'arrêta. Puis il s'en vint, et le raconta à l'homme de Dieu, qui lui dit, « Va, vends l'huile, et paie ta dette, et vous vivrez, toi et tes fils, de ce qu'il y aura de reste. » Or il arriva qu'un jour qu'Élisée passait par Sunem, où il y avait une femme qui avait de grands biens, elle le retint avec grande instance à manger du pain, et toutes les fois qu'il passait, il s'y retirait pour manger du pain. Et elle dit à son mari, « Voilà, je connais maintenant que cet homme qui passe souvent chez nous, est un saint homme de Dieu. Faisons-lui, je te prie, une petite chambre haute, et mettons-lui là un lit, une table, un siège, et un chandelier, afin que quand il viendra chez nous, il se retire là. » Étant donc un jour venu là, il se retira dans cette chambre haute, et y reposa. Puis il dit à Gehazi son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Et il l'appela, et elle se présenta devant lui. Et il dit à Gehazi, « Dis maintenant à cette femme, voici, tu as pris tous ces soins pour nous, que pourrait-on faire pour toi? As-tu à parler au roi, ou au chef de l'armée ?» Et elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit à Gehazi, « Que faudrait-il faire pour elle ?» Et Gehazi répondit, « Certes elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et Élisée lui dit, « Appelle-la. » Et il l'appela, et elle se présenta à la porte. Et il lui dit, « L'année qui vient, et en cette même saison, tu embrasseras un fils. » Et elle répondit, « Mon Seigneur, homme de Dieu, ne mens point à ta servante. » Cette femme l'a donc conçue, et enfanta un fils un an après, en la même saison, comme Élisée lui avait dit. Et l'enfant étant devenu grand, il sortit un jour pour aller trouver son père, vers les moissonneurs. Et il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Et le père dit au serviteur, « Porte-la sa mère. » Il le porta donc et l'amena à sa mère, et il demeura sur ses genoux jusqu'à midi, puis il mourut. Et elle monta, et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, et ayant fermé la porte sur lui, elle sortit. Puis elle cria à son mari, et dit, « Je te prie envoie-moi un des serviteurs, et une ânesse, et je m'en irai jusqu'à l'homme de Dieu. » Puis je retournerai. Et il dit, « Pourquoi vas-tu vers lui aujourd'hui? Ce n'est point la nouvelle lune, ni le sabbat. » Et elle répondit, « Tout va bien. » Elle fit donc sceller l'ânesse, et dit à son serviteur, « Mène-moi, et marche, et ne me retarde pas d'avancer chemin sur l'ânesse, si je ne te le dis. » Ainsi elle s'en alla, et vint vers l'homme de Dieu en la montagne de Carmel, et sitôt que l'homme de Dieu l'eut vu venant vers lui, il dit à Gehazi son serviteur, « Voilà la Sunamite. Va, cours au-devant d'elle, et lui dit, « Te portes-tu bien? Ton mari se porte-t-il bien? L'enfant se porte-t-il bien ?» Et elle répondit, « Nous nous portons bien. » Puis elle vint vers l'homme de Dieu en la montagne, et empoigna ses pieds, et Gehazi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu lui dit, « Laisse-la, car elle a son cœur angoissé, et l'Éternel me l'a caché, et ne me l'a point déclaré. » Alors elle dit, « Avais-je demandé un fils à mon Seigneur, et ne te dis-je pas, ne fais point que je sois trompé ?» Et il dit à Gehazi, « Trousse tes reins, prends mon bâton en ta main, et t'en vas, si tu trouves quelqu'un, ne le salue point, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds point, puis tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » Mais la mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. » Il se leva donc, et s'en alla après elle. Or Gehazi était passé devant eux, et avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut en cet enfant ni voix, ni apparence qu'il eût entendu. Ainsi Géasi s'en retourna au devant d'Élisée, et lui en fit le rapport, en disant, « L'enfant ne s'est point réveillé. » Élisée donc entra dans la maison, et voilà l'enfant mort était couché sur son lit. Et étant entré, il ferma la porte sur eux deux, et fit sa prière à l'Éternel. Puis il monta et se coucha sur l'enfant, et mit sa bouche sur la bouche de l'enfant, et ses yeux sur ses yeux, et ses paumes sur ses paumes, et se pencha sur lui, et la chair de l'enfant fut échauffée. Puis il se retirait et allait par la maison, tantôt dans un lieu, tantôt dans un autre, et il remontait, et se penchait encore sur lui, enfin l'enfant éternua par cette fois, et ouvrit ses yeux. Alors Élisée appela Géasi, et lui dit, « Appelle cette Tsunamite », et il l'appela, et elle vint à lui, et il lui dit, « Prends ton fils ». Elle s'en vint donc, se jeta à ses pieds, et se prosterna en terre, puis elle prit son fils, et sortit. Après cela Élisée revint à Gilgal. Or il y avait une famine au pays, et les fils des prophètes étaient assis devant lui, et il dit à son serviteur, « Mets la grande chaudière, et cuis du potage pour les fils des prophètes. » Mais quelqu'un étant sorti au champ pour cueillir des herbes, trouva de la vigne sauvage, et en cueillit les coloquintes sauvages pleines sa robe, et étant revenu, il les mit par pièces dans la chaudière où était le potage, car on ne savait point ce que c'était. Et on dressa de ce potage à quelques-uns pour en manger, mais sitôt qu'ils eurent mangé de ce potage, ils s'écrièrent et dirent, « Homme de Dieu, la mort est dans la chaudière, et ils n'en purent manger. » Et il dit, « Apportez-moi de la farine, » et il la jeta dans la chaudière, puis il dit, « Qu'on en dresse à ce peuple, afin qu'il mange, et il n'y avait plus rien de mauvais dans la chaudière. » Alors il vint un homme de Baal-Salisa, qui apporta à l'homme de Dieu du pain des premiers fruits, savoir 20 pains d'orge, et du grain en épi étant avec sa paille, et Élisée dit, « Donne cela à ce peuple, afin qu'il mange. » Et son serviteur lui dit, « Donnerai-je ceci à 100 hommes ?» Mais il lui répondit, « Donne-la à ce peuple, et qu'il mange. » Car ainsi a dit l'Éternel, « Ils mangeront, et il y en aura de reste. » Il mit donc cela devant eux, et ils mangèrent, et ils en laissèrent de reste, suivant la parole de l'Éternel.